bagay sa bon pou n'kande San samdi swa mwen poil jomba Si mbi pa la sot kako 8 heures du soir vin abye Madame mwen patine si la sorti Le vre mwen kalme de mi bel Odo konpe mwen nan bien pake Sak fe sak te rife monsieur Le bon sa mauvais ami Mi bon san mi ou se li krayo Madame mwen ye ou se li kouchi Sak fe sak te rife monsieur Le bon sa mauvais ami Mi bon san mi ou se li krayo Madame mwen ye ou se li kouchi Terrible, monsieur. Mais bon sang, mais on s'est l'écrayé. Madame Mario, c'est l'écouture. Ça fait un terrible, monsieur. Madame Mario, chérie, ou là. Madame Mario, c'est l'écouture. Quand tout serait main en pile là. Madame Marie chérie ou là, Madame Marie c'est Quand vous serez en pile là, Madame Marie c'est Madame Mario, c'est lui pour tuer. Quand tout serait main en pile, Madame Mario, c'est lui pour tuer. Madame Mario, chérie, ou là. Madame Mario, c'est lui pour tuer. Quand tout serait main en pile, Madame Mario, c'est lui pour tuer. Madame Marie Chérioula, Madame Marie Chérioula, quand tout souvent met en pile là, Madame Marie Chérioula. Madame Marie, chérie, ou là, Madame Marie.